mon guide. Rabenoud peut bien te jouer du coude. Tu garderas toujours tous les tours dans ton sac. Ta lumière miroite sur l'âme des poètes qui te guettent, qui te goûtent avec les papilles de leurs songes. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Telles des questions comme celle qui suit. Pourquoi y a-t-il des serrures dedans les commerces 24 heures? Et aussi, d'où vient la sauce Ranch? Est-ce que c'est parce que ça goûte vraiment le Ranch? Et non, c'est en 1954 que certain Stevenson l'a inventé en Alaska. Et il s'est acheté un ranch l'année d'après à Santa Barbara, où il en vendait des échantillons à tous ses clients. Et depuis l'époque, ça grossit. En 1974, une compagnie a acheté la recette. Merci, bonsoir, vous êtes à 70%. Ouais, ça peut pas être plus 70% que ça. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marques VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy il joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh en studio à 70%. Ça se veut une émission assez intime ce soir. On va faire ça dans l'ordre. J'ai amené la trame sonore de Final Fantasy Crystal Chronicle, qui est sûrement un des moins bons des Final Fantasy qui est sorti. Mais ouais. La toune est au GameCube, fait que ça va être de la bonne musique. Echo of Memories. Ça a été composé par Kumi Tanioka. Tanioka. On le connaît pas, ça ressemble à un pudding au tapioca, mais c'est Tanioka. Ça n'a pas vraiment rapport non plus. Sinon, aujourd'hui, ben moi, j'ai amené American Ninja 5. C'est le film pour lequel les gens ont voté au douteux.qc.cx, D-O-U-T-E-U-X.qc.cx. J'y ai moi-même voté pour celui-là. Il y a des ninjas de toutes les couleurs. On a des belles séquences audio aussi. On va terminer l'entrevue avec M. Réalvé Benoît, duquel je suis en train de, bien sûr, chercher le disque. On va lui mettre, ce qu'elle t'a dit, la vérité. La recette de la liberté, c'est la dernière chanson. La recette de la liberté, la 12e de son album Le 5 piastres. Ouais. Dans le temps qu'il avait encore son petit casque de mineur. À l'époque, oui. Encore souriant, le monsieur. Ça a été vraiment, vraiment très, très, très plaisant d'y parler. Je ne sais pas si M. V. Benoît écoute présentement, mais ouais. C'est ça, ça a été quelqu'un de très intéressant à rencontrer, et puis on espère bien sûr le revoir, et on lui souhaite un maximum de bonheur. Oui. Et boy, oui, certain. Pour ce qui lui reste. Ouais. Pour l'instant, ben, on va aller savourer pour la recette de la liberté. Oui, qui est une toute qui t'a touché, toi. Oui, elle m'a touché, moi, pas mal, vous allez voir, c'est assez beau. On vous revient après à 70% pour... parler des vraies affaires. Et boy, il va en avoir des affaires des vraies. À la prochaine. Je savais plus quoi faire de ma vie. J'avais des billes et murs garnis. Je m'accordais plus avec les curés. J'ai même perdu ma fiancée. J'étais bien découragé. J'ai dit pourtant ça doit exister. La vraie liberté dans la vie. J'ai mis des années à chercher et finalement j'ai abouti. Voici la recette que j'ai trouvée. prenez un gars frais suicidé. Embaumez, laissez reposer. Assaisonnez de gens qui pleurent. Ajoutez 4 à 6 porteurs. Creusez un trou assez profond. Déposez votre cadavre au fond. Recouvrez, laissez refroidir. Et vous verrez dans le temps de le dire. Dès que vous aurez dégusté que c'est ça la vraie liberté. Moi depuis ce temps-là, je suis libre comme l'air. Les billes que j'avais sont toutes claires. Les curés pensent que je suis sauvé. Plus de trouble avec ma fiancée. Y'a rien de mieux pour ma santé. Si vous avez pas peur des vers. Et si vous êtes intéressé, venez faire un tour au cimetière, la 5e tombe, 3e rangée. Je donne la recette de la liberté. Prenez un gars frais suicidé. Embaumez, laissez reposer. Assaisonnez de gens qui pleurent. Ajoutez 4 à 6 porteurs. Creusez un trou assez profond. Déposez votre cadavre au fond. Recouvrez, laissez refroidir. Et vous verrez dans le temps de le dire. Dès que vous aurez dégusté que c'est ça la vraie liberté. Bonjour, ici Réal V. Benoît. Vous écoutez présentement Choc FM, la radio web de l'UQAM. Oh, c'est tout doux, c'est tranquille. Ça va me permettre de parler ici de American Ninja 5, qui est le film de la soirée. C'est réalisé par quelqu'un que j'ai oublié le nom, parce que le film qui a été fait en 1993 est rempli d'inconnus qu'on n'a plus jamais revu dans aucun film, d'aucune façon, de quelconque intérêt, de quoi que ce soit. Excepté deux titans. Il y a bien sûr Pat Morita, qui était Monsieur Miyagi dans Le Monsieur Miyagi qui était là. Et puis on a aussi l'incroyable David Bradley. C'est-tu le demi-nul, ça? Non. David Bradley. Bradley, c'est le héros. C'est lui qui... Tu vois, j'en parle pas mal. C'est un très bon acteur douteux. Il est dans la caste, il ressemble un petit peu, il me fait penser à Gary Daniels, je dirais, de par ses choix de films et puis de par ses faces et son taquinisme un petit peu latent. Mais donc, excepté notre bon vieux Pat Morita et l'incroyable David Bradley, ben ce film est plein d'inconnus, comme je disais. Ce dernier, David Bradley, fort d'aucune expérience en rien d'autre qu'en coup de pied, fut le seul capable de prendre la place de Michael Dudikoff à la barre des American Ninja. C'est lors du 3e film de la série que Dudikoff passe le lourd flambeau du ninja blanc. à son petit frère aux cheveux noirs. Puis c'est vraiment sans renfort d'explication. Hein. On sait pas trop d'où ça vient, on sait pas pourquoi. C'est comme dans No Retreat, No Surrender 2. Que c'est plus le même héros, puis ouais. qu'on sait pas pourquoi. Là. Techniquement, le résultat est évident. Bradley est beaucoup plus taquin et enclin au Bruce Willisme que le muet Dudikoff. Et c'est, sans ce, et c'est dans ce cinquième volet que ce trait de personnalité ressort le plus. Flanqué d'un demi-lune facultatif, Joe le Ninja se fait fort de délivrer la fille d'un scientifique. La fille fut kidnappée pour forcer le scientifique à poursuivre ses recherches sur, accroche-toi comme faux, le ZB12. Non, c'est pas une joke, le scientifique travaille sur le ZB12, un pesticide capable de tuer toute l'humanité et qui, malheureusement, sera bientôt la propriété du général Zoubino, très méchant de nature. En plus du général et de ses troupes, le duo Joe et Demi-Lune, stressant, devra affronter Viper. Je sais pas s'il signe ses chèques de même, là, mais bon. Viper, c'est le chef de la sécurité du méchant entrepreneur qui fait des affaires avec Zoubino. C'est lui qui a engagé le père de le scientifique. Ouais. Ouais, on comprend, hein? Viper a une cape, des ninjas de toutes les couleurs à volonté et le pouvoir de se téléporter dans les poubelles. Je ne peux que vous conseiller fortement de boire pour atteindre le niveau d'euphorie légère, capable de bien vous faire comprendre tout le doutisme caché dans ce long métrage qui passe comme une brise. Jamais plus de 4 minutes sans ninja. Jamais plus de 4 minutes sans combat épais. Jamais plus de 4 minutes sans remarque Bruce Willesque. Et surtout, ben, on en vient qu'à se demander pourquoi est-ce qu'il y a des bûches d'entraînement dans le bois? Et pourquoi est-ce que les ninjas mauves... pourquoi est-ce que Viper a des ninjas mauves dans son armée? Tu sais, des mauves. Parce qu'il y a des mauves, des verts, des jaunes, des rouges à date. Ça, mais les mauves, en tout cas... Ouais, ben c'est vraiment toutes les saveurs de l'arc-en-ciel sont dans ce film. Et puis, ben, je me vois dans l'obligation de mentionner que l'ambassadeur américain est ripou et que comme ça se passe au Venezuela, les ninjas parlent espagnol. Ben, ils parlent avec un accent espagnol. Les ninjas parlent avec un accent espagnol. Et puis, je me permets de le répéter, les ninjas parlent avec un accent espagnol. C'est comme... C'est dans le doublage français, là, qui ont, dans le doublage français, ils ont un accent espagnol. Ouais. OK, c'est comme des émissions de Mario Bros, dans le fond. Ouais, pas mal. Ouais, il est à la commission de la... Oh. Puis là, c'est ça, là, il dit ça, puis là, il s'en va vivre des aventures là-bas. C'est un excellent douteux, bien sûr, vous l'aurez deviné. Et puis, on va tout de suite aller saucer dans les premiers extraits. C'est, vous allez voir, on apprend la tactique du méchant entrepreneur qui veut dominer le monde, là, comme les méchants. Ayez confiance, général, vous aurez votre marchandise en temps et en heure. Je le souhaite, monsieur Glock. Simon, je désirerais vous parler. Vous ne voyez pas que je suis en rendez-vous? Ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre. Ça, c'est le scientifique qui veut parler à l'entrepreneur. J'en ai juste pas une minute, mon général. Ça, c'est le général Zoubino. Que veut dire cette intrusion, mon cher docteur? Le ZB12 était destiné aux insectes. Sauf que nous devons déterminer sa toxicité, docteur. Nous devons nous assurer qu'il n'y a aucune incidence sur l'humain. Voyons, docteur, mes intentions sont tout ce qu'il y a de plus honorable. Alors dites-moi ce que le général Zoubino fait ici. Hein? Tu vois l'image, il y a... il y a vraiment... Flathead. Aïe, aïe, aïe. Escorte le docteur jusqu'à son labo et veille sur lui. Suivez-le. C'est la musique du film qu'on entend? Ouais. Du retard, Glock. Non, du tout, général. Vous avez deux jours, pas Glock. Un de plus. Deux jours avec toute la bonne volonté, mon général. Livrez le gaz, monsieur Glock. Ou mon armée utilisera votre hôtel comme cible d'exercice. C'est un ninja? Non, c'est le général Zoubino. Allez me chercher Viper. Et puis là, il apparaît dans un flash de fumée. Hey, ça... De ce moment, il va Viper, donner des ordres. Nous devons nous assurer que le docteur Strobel termine son travail. Rends-toi aux États-Unis. Je suis persuadé que sa délicieuse fille saura le convaincre. C'est sa voix, Viper, ça? Non, Viper, il parle presque pas. Ah, ça, Presti, ça arrête pas de tousser, c'est la crève. Et puis, ben là, on s'en va dans le dojo un petit peu plus tard. Cool, c'est une séance d'entraînement? Oui, on a ça, là. Ça commence avec ça, ça finit avec ça, c'est transcendé par ça, en ça et ça. Donc, play, là, c'est... C'est pertinent. Ouais, c'est votre hôte qui est en train de s'étouffer avec ses mucus. Et puis, bien sûr, notre héros, David Bradley, qui va rencontrer pour la première fois le demi-lune du film. Yay! Yeah. Ouais. Tu fais des jeux vidéo? Ouais, le demi-lune. Alors, Joe, tu peux me garder la maison ce week-end ou pas? Ah, c'est vrai, je l'avais oublié, ça. Oublié? Mais quoi, tu as un problème? Non, aucun problème. Ça marche, vous inquiétez pas. Parfait. Tu m'enlèves une épine de pied. Tiens, voilà les clés. Au fait, les ordures passent le samedi. Ok, le samedi. Mmh. Ce gosse-là, qui c'est? C'est mon neveu, Hiro. Ah, les bonsaïs, tu les arroses tous les matins et tu les sors pour qu'ils prennent l'air. Tu m'entends? Oui, j'arrose les bonsaïs et je les sors tous les matins. Et d'où il sort, ce neveu? À quoi tu joues? En fait, c'est mon petit neveu et le dernier de la lignée des Todai Ninja. Alors, c'est lui le dernier ninja? Ah, c'est lui le dernier ninja. Il aurait bien ninja. Besoin d'un petit coup de pouce. Oh, il excelle dans les jeux vidéo, sinon il aime le football. Mais dis donc, toi tu pourrais être son professeur, que je suis bête. Ah non, t'es dessus. Vous savez que je n'enseigne plus aux gosses. Ne dis pas ça, Joe. Et ceux-là alors? Quoi? Non, ce sont les élèves de Tadashi. Bon, d'accord, mais pourquoi tu n'essaierais pas une seconde fois? Écoute, mets-le au lit à 9h et le laisse pas trop jouer. Ah non, avec attendez, la machine, attendez, t'es dessus. Venez là. La maison, d'accord, mais pas du babysitting. Écoute, je n'ai trouvé personne. Donnez-le à ses parents. J'imagine qu'il y a un lien par là. Sa mère est morte durant l'accouchement. Il y a sûrement un très grand lien qui va se créer entre son père les deux s'est fait tuer quelques années plus tard. Ça va être assez beau et assez taquet. Et il fait un barrage sur toute son enfance. Il reste dans son univers. Par raison, je dirais. Eh oui. Il paraît que dans sa famille adoptive, ils se battaient tous. Enfin, je suis son tuteur légal. Je suis son seul parent vivant. Oh, vous êtes trop vieux pour élever ce môme. Exact. C'est pour ça que je pars en vacances. Allez, il faut que j'y aille. En avion, ça n'attend pas. Hé, attendez! Où vous allez? À Athènes. Athènes? Oui, Athènes. Oh non! Sayonara, mes chéris. Et voilà, le... Comment il a fait ça? Simple de se téléporter en ninja. Dehors du dojo que d'ouvrir la porte. On verra ça un autre jour. Et voilà, bien sûr, la relation entre les deux qui commence. Ça va être plein de cocasseries. Mais pour l'instant, on va écouter une partie de Réalvé Benoît, puis on va revenir. Toi, t'as quelque chose à nous lire? Oui, je vais vous lire tout à l'heure la pochette de He-Man, le film, voilà. Le maître de l'univers. Eh boy, hein, ça va être malade. C'est une pochette très, très, très mal écrite à l'arrière. Je vais souligner les fautes, puis je vais vous lire les intentions. Voilà, ça va être de toute beauté. C'est Chloé qui nous a amené ça dernièrement. Pour l'instant, on va écouter encore une partie de l'entrevue avec Réalvé Benoît, le très sympathique mineur chanteur, ou plutôt chanteur tout court de Rouyn-Noranda. Voilà. Par moi, j'exagère pas, là. Je fais pas un chiffre. Tu nous l'as dit, t'as failli aller banquier, travailler dans une banque, puis c'était pour 40 $ par mois. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe. Ça me frustre, ces choses-là. Puis je l'ai dit. Je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, la recommandation, c'est... On peut se payer Réalvé Benoît en concert? Oui, il y a moyen. Ça, on travaille du site Internet. C'est écrit en fait de récital. Ça veut-tu dire que je pourrais payer puis t'avoir dans mon salon? Ben, ça voudrait dire que si tu veux avoir Réalvé Benoît quelque part, tu contactes M. Knight, puis lui, il parle les démarches. Ouais, c'est pas long, là. On a semaine, Réal. On a... les moyens du banquier. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on en ferait clôner un. C'est pas compliqué. Les... J'en organise des spectacles. Ah non, je pense que c'est bien compétitif. Je te dirais pas des chiffres parce que ça varie selon les endroits, selon les déplacements que nous autres on est obligés de faire. Mais c'est très abordable. Faut vraiment préciser qu'on gagne pas notre vie à ça. Non, je le sais très bien. Mais on était bien clair. Quand on a fait le lancement, c'est sûr que Réal fait toujours des choses différemment. Puis on a fait un lancement un peu différemment. On a fait une conférence de presse. Mais il y avait des journalistes là, mais on avait tous rencontré les jours d'avant. Ils avaient tous fait les entrevues avant. Mais la conférence de presse, c'était vraiment pour Monsieur Tout-le-Monde. On a fait une conférence de presse pour Monsieur Tout-le-Monde. Pour les vrais gens, bien ça, c'était... Alors, tu sais, ça, là, ça s'est jamais vu, ça. Ouais, on a eu de la misère à quitter parce qu'il y avait tellement de questions, là. Puis on était clair là-dessus, là, des spectacles à 3$ puis à 5$. Oubliez ça, là. Tu sais, Réal, il a quitté justement pour ça, parce qu'il veut pas faire rire de lui. C'est Israël... T'as assisté à un de ces récitals, puis tu sais, c'est pas un spectacle à 5$. C'est pas un récital de 5$. Alors, tu sais, faut... C'était mon 18,50 plus frais de vestiaire très bien dépensé. Ah, ben là, aussi, ça, toi, tu parles du Lion d'or, alors, mais on a fait l'Invivo, puis c'était à 12$. T'sais. À 12$, ouais. Ouais, l'Invivo, puis c'était une belle petite place, puis il y avait bien du monde, mais on avait des nouveaux musiciens, là. Entre autres, moi, je trouve que juste 15$, ça reste très raisonnable pour voir un spectacle. Ben, moi, je pense que oui, parce que le monde, il dépense plus d'argent avec le portable à downloader des conneries de YouTube. Là, que, oui. Tu sais, là, c'est vrai. Ah, ben oui, puis là, ils sont réticents à payer 10 piastres pour un spectacle. Tu sais, là, puis écoute, ça n'a pas d'allure. Là, c'est presque des artistes, ça, moi. Des artistes que je nommerais pas. Là, puis quand je jouais ça, moi, sur l'Internet, puis ils disent un récital de M. Intel, puis que c'est 5 piastres, je me dis, ça se peut pas. Tu sais, le gars, il a une notoriété quelconque, puis tu dis 5 piastres. Écoute, tu ris de lui, là. Et si t'as pas 5 piastres pour donner à un artiste qui a travaillé pendant 3 ans pour monter un show, puis tu t'en vas downloader du YouTube ou je sais pas quoi sur l'Internet, puis tu donnes ton argent à des Américains que tu connais pas, puis t'as jamais vu, puis ils font pas vivre l'économie locale, ben il y a quelque chose d'invaleur qui croche, là, qui tu sais. Après les commentaires de Réal sur son optique vis-à-vis ses chansons, on a encore une contre-attaque totalement lucide de la part du manager à côté. Hein. Ils sont à leur place, les gaillards. Non, puis ce qu'il a dit, Claude, c'est que... Quand quelqu'un il a besoin de ça pour vivre, je veux dire, t'es peut-être prêt à accepter plus de choses. Je veux dire, si tu manges pas lundi, puis il y a quelqu'un qui t'offre un spectacle dans son hôtel à 250 ou à 500 piastres, tu vas y aller chanter même si les gens sont sous puis t'écoutes pas, puis tu vas y aller. Tu vas manger le lendemain. Mais nous autres, on n'a pas besoin de ça sans vouloir se vanter. On est à la retraite, on a gagné, je pense, notre retraite, on a travaillé fort pour... 42. On n'a pas besoin de ça, tu sais, j'ai pas besoin de ça pour manger lundi. Pourquoi j'irais me casser le cul, moi, à quelque part, devant du monde qui écouteront même pas ce que je vais faire, puis moi, je vais me retourner chez nous, puis je vais dire, bon, ben, j'ai 500 piastres ou j'ai 300 piastres. Finalement, c'est un comeback pour la passion. Mais probablement personne qui sait que Réal Benoît, il existe plus qu'avant que je parte. Ouais, mais tu sais que... C'est pas d'intérêt à faire ça. Quand tu vas dans un hôtel, que personne ne paye, là. Mettons, tu vas dans un hôtel, là, puis c'est triste à voir. Tu vois, il y a un artiste, là, qui est en avant, puis il chante, là, puis là, t'entends les verres, puis les bouteilles clignées, puis le monde, ça gueule, puis ça crie, puis il écoute même pas. C'est une insulte, premièrement. C'est parce que... Sais-tu pourquoi qu'ils écoutent pas? Parce qu'ils ont pas payé. Puis ça, c'est notre optique, ça. Ouais, ouais, ouais. Si t'as payé 3 piastres, mais tu dis, oh, ça vaut rien 3 piastres, on est capable de parler un petit peu, tu sais. Mais si t'as payé 10, 15, puis 20 piastres pour un spectacle, ben là, tu dis, j'ai mis 20 piastres, là, je pense que je vais l'écouter. Hein. Oh oui, t'ouvres grand, c'est comme, ben oui, là, t'es là, tes oreilles, puis c'est comme, c'est l'optique qu'on a. On a dit, si tu veux pas te donner la peine de l'écouter. En faisant payer les gens, on cherche à faire que les gens soient respectueux. Oui, c'est ça. On cherche pas à les faire payer, là, dans le fond. C'est pas vraiment là la question, c'est d'avoir un certain respect, puis un... Ben oui. Un échange. Un échange, justement. Moi, je te donne un bon récital, puis Israël, tu l'as vu, le récital. Oui. Puis avec les derniers musiciens, puis tu sais, on a Pisco Caravane, puis aussi il y a Pierre Lavoie. Justement, en francophonie, les gens c'était quand même respectueux, même si même s'ils n'ont pas payé, tu sais. Fait que je pense que vous êtes rendu à un niveau que peut-être ça peut changer. Ça. Une notoriété d'installer. Ben, oui, c'est ça. Avec des bons textes, veux pas. Hein. D'ailleurs, je voulais féliciter sincèrement le monsieur Benoît pour le texte de comment ça s'appelle déjà, La recette de la liberté. Je voulais pas me mélanger, ça m'a pas mal brassé. C'est vraiment bon. Ben moi, j'ai aimé cette chanson-là. Je veux dire, c'est moi qui l'ai fait. Parce que je pense que c'est le seul endroit sur la Terre où tu vas être vraiment, vraiment libre. Tu sais, on dit des fois, je suis libre comme l'air, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, t'es pas libre comme l'air. Ben, là, tu l'es. La liberté, c'est une autre façon de dire que t'as plus rien à perdre. C'est là que je l'ai. C'est là que je suis libre comme l'air. À part de ça, je le saurais pas. Tu peux l'être jusqu'à un certain degré, mais de l'être complètement, il y a tellement de lois, il y a tellement de contraintes, il y a tellement de gens qui te souffrent dans le cou partout, puis qui t'obligent à faire des choses que ça te tente pas de faire. Ah, ben, c'est pas de la liberté, ça. Si quelqu'un t'oblige à faire des choses, à partir de 8 heures le matin, quand tu vas travailler, même pas à partir de chez vous jusqu'à temps que tu retournes chez vous, c'est pas toi qui décides ce que tu vas faire de ta peau. Là. C'est plate, ça, là. Ben, sinon, à quoi ça ressemble, la musique de Réal V. Benoît, pour ceux qui connaissent pas, là? D'autres artistes qui pourraient ressonner un petit peu comme ça? Est-ce qu'on a une idée? Velvet Underground mélangé à Lucien Francoeur? David Bowie francophone avec un peu plus de clash? J'ai tout de suite à l'esprit... comment s'appelle? Madame Lemay? Comment s'appelle? Linda Lemay, elle me vient à l'esprit, elle, parce que je trouve qu'elle écrit sur la vie. Sur son quotidien, oui. C'est Richard Desjardins. Mais vous le faites vraiment mieux. Ah, merci beaucoup. merci beaucoup. Richard Desjardins, je trouve qu'il écrit des choses. En fait, ouais, c'est qui vous inspire plutôt, Richard. Ben non, mais il faut dire, c'est qui les inspire eux. C'est ça qui devrait être la question. Ouais. Ben, en 72, j'étais là, lui. Oui. Non, oui, c'est ça. Oh. Mais pour répondre un peu à la question, moi, je peux. Quand on nous a demandé de s'inscrire à la disque pour pour l'album Sérieusement, on a dit, votre album, là, elle vaut la peine, là, il faut vous inscrire, puis vous avez des chances, blablabla, tu sais comment ils sont. Alors, on s'est inscrit, Puis, ils ont dit, dans quelle catégorie voulez-vous être? Alors, nous autres, on s'est mis dans la catégorie... folk contemporain. Folk contemporain. Ça sonne bien, c'est beau, hein, c'est mélodieux. c'est beau, hein? Là, on a reçu un coup de fil. Ben moi, j'ai reçu un coup de fil à peu près 3 semaines plus tard. Ils ont dit, Monsieur Knight, on ne peut pas vous mettre là. Ben j'ai dit, pourquoi? Ben ils ont dit, écoutez, on va faire un offre. Nous autres, on va vous mettre dans le country. Ben on ne prend pas votre disque. Vous avez jusqu'à lundi pour... Vous avez jusqu'à lundi pour nous donner une réponse. Sinon, on le prend pas. C'est ça. Mais quand on parle de l'industrie, là, puis c'est pas pour chier sur ce monde-là. Là. Enfin, je te dis, c'est que t'as même pas le choix de te mettre dans la catégorie que tu dois être. Tu sais, sinon, ils le prennent pas, tu sais. On était fiers d'être là. Sinon, s'ils savaient où ils voulaient vous placer. Ben, tu sais, comment je te dirais ça? Il y avait trop de monde dans cette catégorie-là. Il n'y avait pas assez de monde dans l'autre catégorie. Fait qu'ils ont dit, on va prendre lui, on va le mettre là. Ça rentre un peu pareil, puis ça va passer comme ça. Sinon, on ne vous prend pas. Ben, sinon, ils ne choisissent pas notre Mais il y a un gars là qui est beaucoup plus, disons, prêt pour... pour des gens comme moi pis toi, Réal, tu sais, ça s'appelle le Gamic, puis là, il passe juste des disques indépendants, tu sais, puis c'est entre l'indépendance, puis moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut pousser plus que d'essayer d'aller à la disque, t'sais. Je connais pas celui-là. Mais... Ben, justement, on pourrait mettre Trésor retrouvé cette année. Fait que, au pire, je t'en jase. Ça prend des notes, c'est parce bon, que moi, je l'ai fait, j'ai pas gagné, écoute, là, je m'en crisse un peu, mais bon, tu sais, on va gagner, encourage l'industrie indépendante. On encourage les gens comme moi pis toi, même si c'est d'autres qui gagnent, ils gagnent fairement. Ils gagnent de façon plus respectable. Plus respectable. Plus ouais. On est plus content qu'ils gagnent que quand que non, c'est mais je veux préciser, là. Je veux préciser que je suis pas en train de dire que la disque est organisée et tout, là. Faut vraiment être certain. Ah oh non, c'est ce que je dis là. Qui le dit. Non, mais reste que. On trouve pas que la disque c'est fort. Ben moi. Moi, écoute, ça, on était content d'être là. Ben, oui, on était avec les vedettes là, puis le monde. Ça, c'est très. Ça a été tellement le fun là, parce que on était avec les grands noms comme Georges Amel, puis non, mais ok, c'est avec un cul. Ouais. Ouais. Juste ah, à oui, compter une autre affaire qui est arrivée à l'entour de la disque. Veux dire, quand on a été mis en nomination, finalement mis en nomination, on était fous de joie toutes les deux. On reçoit un téléphone d'une grosse station de radio de Montréal, ici, là. Pas nous autres qu'on les appelle, c'est eux autres qui nous appellent. Puis on dit, « Monsieur Knight, on est en train de faire un display pour toutes les mises en nomination à la disque. Ça vous intéresse-tu d'en faire partie? » Fait que là, Claude, il dit, « Ben oui, t'es tout bien content. » Mais là, il dit, « Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. » Il dit, « Si vous êtes dans la rangée d'en bas, c'est 250 $. Si vous êtes dans la rangée du milieu, c'est 500 $. Si vous êtes dans la première rangée en haut, c'est 1 000 $. » Tu le sais, ça? Tu le sais, ça? Mais regarde bien ce qui est arrivé. Monsieur Knight, il dit, « Bon, ben on n'a pas beaucoup d'argent. Nous autres, on accepte. On va prendre un 250 $. » En bas, tu sais, avec le budget qu'on avait, là. OK, on est content, on va être là avec eux autres, puis ils vont parler de vous toute la semaine, puis tout ça. Ils nous rappellent le lendemain. Ils disent, « Monsieur Knight, on ne peut pas vous prendre. » Comment ça? Tu ne peux pas nous prendre. Hier, tu m'appelles, c'est toi qui m'appelles. Tu m'as me demander. Ouais, mais il dit, on a vendu plus de coraux qu'on en avait, puis il dit, on ne peut pas vous choisir, puis malheureusement, vous ne pouvez pas être là. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il y a eu plus de 1 000 $ qu'il y a eu de 250 $. Ben ouais, c'est sûr. Fait que nous autres, on a été dompés, on a été flochés. Pourtant, on est allés les premiers. Fait que tu vois comment ça marche? On n'a pas l'argent, nous autres, pour aller se plugger en haut là à 1 000. Ben, Peut-être que les gros distributeurs, que les artistes, que leur disque ne leur appartient pas, mais lui, il prend le 1 000 $ et il les met en haut. Ben oui, c'est pas nécessairement l'artiste qui paye. Il est avec Polydor ou il est avec... Ça fait que nous autres, on n'était pas là. On était en nomination à la disque, mais on n'était pas sur le tableau où ça passait partout dans la province pendant une semaine de temps. Je suis juste te dire que c'est pas nécessairement tout le temps juste une question de talent. Juste pour que mon disque passe par les nouveautés, je pense que ça coûtait de l'argent, tu sais. Où est-ce que t'es placé dans un magasin, ça coûte de l'argent, ben oui, t'imagines, tu sais. Être en avant de la section des B, genre, là, ça coûte de quoi? Notre distributeur, il nous dit, il nous demande si on avait des affiches, des posters, là, pour les... Claude, il dit, ben oui, on en a. On leur en envoie une cinquantaine en rouleau comme ça. Puis là, Claude, il dit, il n'a pas nulle part. Il dit, on retourne chez notre distributeur, il en reste 49. T'sais. On voit des magasins de disques, puis ils n'ont pas. Oui, mais il dit, Monsieur Knight, il dit, ils afficheront pas vos affiches. Il dit, vous ne payez pas, vous. Faut que tu payes l'emplacement. Tu comprends-tu? Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas assez baissé. On ne sait pas, déjà, faut payer. Payez pas. Donc, si tu veux avoir ton affiche sur le mur, en plus, faut que tu payes. Ben, si tu es dans le milieu, tu sais comment ça va. On vient de parler de l'industrie. Pas toujours une question de talent. C'est ça qu'on veut dire. Oui, boy, c'est une question de contacte souvent. Hein? Ouais. On a parlé du passé de M. V. Benoît. On a passé, parlé non, du non, passé, non, la ferme Tommy, là, on va y revenir un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, Israël Machine. Oui, monsieur. Alors, les maîtres de l'univers, ça vous rappelle de quoi? C'est la série Amen qu'on écoutait tous avec grand espoir quand on était petit. Cette série où ce qu'ils ne refaisaient qu'à peu près que 10 minutes de nouveaux dessins animés par épisode, tout ça? Ouais, en fait, c'est 8 minutes. 8 minutes de ouais, nouveaux dessins. Ouais, ils ont battu dessins. Le record de Goldorak, c'était environ 12 minutes. C'est malade. Alors, il y a le film Maîtres de l'univers, Amen The Movie. Sur le dessous de la pochette, parce que je vous lis la pochette parce que c'est très exécrable, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus. Alors, sur le dessous de la pochette, on voit Skeletor et Iman qui se font un gros câlin, quasiment, on dirait. Et Iman a l'air constipé et c'est écrit « La guerre des étoiles des années 80 ». Et oui. C'est Jim Whaley qui dit ça pour le WWTV à Atlanta. Fait là, on s'en va en arrière et l'entête à l'arrière, c'est seul l'univers pouvait nous faire vivre une telle aventure. Parce qu'il y a seulement dans l'univers qu'on pouvait vivre une telle aventure. C'est sûr, pas ailleurs que dans l'univers. Pas ailleurs. Alors, je vais vous lire ça comme suit. Premier paragraphe. Jadis belle, la planète Eternia est désormais dévastée, victime du démoniaque Skeletor. Et de ses amis vilains serviteurs. Momentanément vaincu, Iman, héros éternien, et ses forces du bien s'enfuirent vers un pays aux créatures et aux coutumes étranges, la Terre. Prochain champ de bataille dans cette course au titre de maître de l'univers. Ah, ils se battent sur la Terre? Ouais, ouais, ça coûte ouais. moins cher de décor. C'est vrai de ça. Ils s'en vont même dans un Kentucky à un moment donné. C'est tout beau. Pour vrai? Ouais, ouais, ouais. Tu as donné quelle cote? Moins 5 à peu près, là. Alors, je continue et c'est le paragraphe qui me fait le plus chier. C'est le deuxième. Vous connaissez déjà He-Man, Skeletor et les autres personnages des Maîtres de l'Univers grâce à la gamme de jouets populaires et à l'émission de télévision en dessin animé diffusée par une agence de distribution. Une agence de distribution. Ouais, ils disent pas laquelle. C'est point. Ça a été distribué par une agence de distribution. Voyez-les conquérir le grand écran dans un film d'action grandiose qui a gagné le prix Silver Scroll. Hein? Pour le meilleur film décerné par l'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Film. Dolph Lundgren et Ivan Drago, l'homme au point de fer dans Rocky Eve, brandit l'épée du héros, le mystérieux He-Man. Par ailleurs, Frank Langella, le mémorable prince des ténèbres dans Dracula en 1979, s'enveloppe à nouveau dans le rôle du mal et joue le rôle de Skeletor. Arc. Hey, c'est malade de nous vendre ça de même avec des jouets. Paragraphe 3, qui attend le signe du cadavre? Oh, voyons. Pardon, je suis dyslexique. Je suis dyslexique. Qui attend le signe du cadavérique Skeletor? Evelyn, Meg Froster, entre parenthèses, les centurions du ciel et l'affreux quatuor composé de Beastman, Sword Blade et Crag. Et aux côtés de He-Man, Tila, Man at Arms, le malicieux Gwildor, entre parenthèses Billy Barty, et deux enfants américains qui découvrent la clé cosmique perdue et vivent une aventure au-delà des rêves les plus incroyables. Les enfants américains qui découvrent la clé vers les rêves absolument incroyables, je pense qu'ils vont être assez indispensables dans le déroulement de l'histoire du film Pennyman. Hein? Oui, je pense. Paragraphe 4, puis ça finit bientôt, les amis. Je crois en toi. Dorénavant, toute l'action, tout l'emballement et toutes les sensations fortes de la bataille des étoiles ne se transportent pas seulement sur la Terre, mais aussi jusque dans votre demeure. Vous n'auriez jamais rien vu de plus spectaculaire. Et juste en dessous, on a de quoi être écrit en caractère gras, qui est écrit par Christopher Tirikiko du Los Angeles Examiner. Eh boy, hein, qui n'a pas été payé pour écrire ça. Non, hein? Un divertissement emballant qui vous fait tout oublier. De la première scène de bataille à la dernière, quelque chose qui va au-delà de l'univers Lucas Spielberg. Ah oh ben, tabouin. Hein? C'est exactement ce que j'ai vu en l'écoutant. Au-delà, oui, c'est bien dit comme ça. J'aimerais aussi ça lire. C'est en bas des attentions, puis de copyright, puis de Interpol. c'est Master of the Universe, He-Man and Associated Character are trademark owned and used under the license from Mattel. Mattel, on t'aime Mattel. Mattel c'est qui ça. Bien sûr s'occupe des Barbie aussi. Ça c'était sûrement de eux qui parlaient quand ils disaient d'agence de distribution. Mais ça c'est justement c'est Chloé, ma nouvelle amie, qui m'a amené ça, puis elle l'a demandé comme demande spéciale pour les visionnements du Rocket. Je vais essayer de le digitaliser pour après ça le mettre en proposition, oui. Parce que le monde va pouvoir décider. Elle t'a aussi fait découvrir la Gnome Mobile. La Gnome Mobile qu'on va écouter un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va écouter Grow Up and Blow Away de Matrix. Puis on va revenir après à 76%. Merci Israël, belle lecture. Oui, merci. Grow Up and Blow Away. Her heart, he wants to stay. Zombie qui vient de venir nous rejoindre en studio. Il est arrivé plus lentement que d'habitude parce que c'est pas pratique de marcher quand on est décomposé puis que ça gèle dehors. Hein? Et voilà, pauvre zombie. Avant d'aller se replonger dans les aventures, bien sûr, de monsieur David Bradley, on va écouter ici une petite séquence d'extrait, vous allez voir. Ça va? Ça vient de Clash of the Ninja. Oh, hey, fais gaffe, Jack, couche-toi. Il faut que tu restes calme. Tu seras bientôt remis. T'inquiète pas. Il est trop puissant. Trop cruel. Trop fort. Ouais, raconte-moi, de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja? Ouais. Tu dois me croire, Tony. Ah, c'est la vérité. Il faut que tu me croies. Je ne délire pas. Mais je te crois. Et voilà, il le croit. Sur ces belles paroles, on va aller rejoindre David Bradley qui mène l'enquête avec son demi-lune de secours. C'est le demi-lune qui jouit? What? T'es vraiment un caïd. T'as fait ça, hip-hop. Allez, hop. Ils ont pas vu le jour. C'est le top, ton truc. Eh, dis, il faut que tu m'apprennes. Tu m'apprendras, dis. Dis. Je veux surtout que tu m'apprennes à me servir de ça. On s'en d'accord va. Non. Allez, viens. On remarque que tu dois en avoir un chez toi. Quoi? Quoi? Pourquoi tu glousses comme ça? Pourquoi pas? On sait pas pourquoi on est là. Je suis d'accord. Où on doit aller? Là aussi, je suis d'accord. Pourquoi Lisa a été enlevée? Ouais. Alors? Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bah, il y a peut-être un truc avec son pater, je sais pas, mais... Le père de Lisa? Bah ouais, souviens-toi, elle nous a dit que son père était un... Scientifique? Ouais, ouais, mais c'est ça. Quoi, c'est ça? Bah... Ah, tu sais bien que les scientifiques font chier le monde pour une chose ou pour une autre. Ouais, ouais, mais c'est raccord. Je suis certain que c'est ça. C'est sympa de réfléchir à ma place. Quand tu veux, tu me demandes. Je m'en souviendrai. Allez, hop, à la maison. La fille leur a dit au début du film que son père est un scientifique. Écoute, petit mec. Donc, dans les dojos... On m'appelle le serpent ninja. Eh oui, on l'appelle le serpent ninja. Oh, c'est lui le plus ça fort. Ça veut dire que ça va être le serpent contre la vipère. Oh, c'est pas fou, hein? J'y avais pas pensé à ça. C'est vraiment pas fou, hein? Israël Trudel-Denis qui est là au complet. On va aller un petit peu plus loin à 48 minutes quelque chose, là, vous allez voir, là, parce que là, ils se font attaquer, mais personne meurt, là. Ben, personne sauf les méchants. Mais les méchants, c'est pas vraiment du monde. Non. 48 minutes 20, là, c'est les méchants, justement, qui vont discuter entre eux autres de la marche à suivre. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Ils vont dire le mot ninja très souvent. Qu'est-ce que vous me racontez? Ce type à ninja, c'est ridicule. Seul un ninja peut l'avoir, monsieur. Il est bien américain. C'est un ami de la fille du docteur. Et s'il découvre que je suis impliqué dans tout ça, ma carrière est finie, Glock. Écoutez... Votre carrière, c'est à moi que vous la devez, monsieur l'ambassadeur. Quant à cet Américain, ce ninja, quand il viendra à votre ambassade, je veux que vous me l'ameniez, compris? Vous me donnez le choix? Non. Et revenez seulement quand vous aurez l'Américain avec vous. Vous me trouverez sur le yacht du général. Alden, ne me décevez pas. Je crains qu'on ne puisse lui faire confiance. Occupez-vous de ce ninja. Oh oui, occupez-vous de ce ninja. Allez, allons, allez. Allons. De toute beauté. Pour faire plaisir à tous ceux qui ont du goût, on va écouter ici la Gnome Mobile. C'est en fait, ça vient de Chloé. Merci beaucoup, Chloé. Ça fait très mal. On va voir le clip ce soir, bien sûr, au Rocket. Pour l'instant, vous avez juste l'audio. Ça fait pas moins mal. C'est ça. On se pitche dans l'univers de Disney qui est magnifique. Oh, l'audio, ça vient du VHS et du vieux tape, mais ça va partir bientôt. La Gnomobile, la Gnomobile. Cherchons les gnomes dans la Gnomobile. Il faudra nous montrer fort habile pour les retrouver dans la Gnomobile. Dans la Gnomobile, la Gnomobile, nous cherchons les gnomes dans la Gnomobile. Il faudra nous montrer fort habile pour les retrouver dans la Gnomobile. La campagne est grande, mais on y arrivera parce qu'il n'y a pas de problème pour grand-papa. doit y avoir caché par là la jeune fille que Jasper épousera dans la gnomobile, la gnomobile. Cherchant les gnomes dans la gnomobile, il faudra nous montrer fort habile pour la retrouver dans la gnomobile. Oui, la gnomobile est une grande machine et je dois avouer que ça me fascine. Mais l'autre trouble fait va bien trop vite. Moi, je lui donne les héros de conduite dans la gnomobile, la gnomobile. Nous cherchons les gnomes dans la gnomobile. Il faudra nous montrer fort habile pour voir les gnomes de la gnomobile. Dans la gnomobile, la gnomobile. Nous cherchons les gnomes dans la gnomobile. Il faudra nous montrer fort habile pour voir les gnomes de la gnomobile. Oh oui, vous pensez que c'est fini la gnomobile, mais non. Là, on va aller un petit peu plus loin dans le film pour la deuxième partie du vidéoclip à rabais, dans lequel... Oui, je dois admettre que Sacré Jasper n'est pas trompé. Et vous voilà. Êtes drôle de trouble fait. Merci. La gnomobile, promenons-nous dans la gnomobile. Zombie qui suit le À tous les jeunes mariés, je prédis une foule d'enfants dans ce paradis. Dans cette foire et offerte par Lady Mulroney, c'est mon meilleur ami. Dans la gnomobile, dans la gnomobile, promenons-nous dans la gnomobile. Oui, c'est le parfait amour qu'on file. On est curieux dans la gnomobile. Dans la gnomobile, promenons-nous dans la gnomobile. Oui, c'est le parfait amour qu'on file. On est regarde dans la gnomobile. Le plus malheureux, en fait, dans ce film de Walt Disney qui met en scène des gens qui vivent les mêmes aventures que dans tous les autres films de Walt Disney, c'est que la gnome mobile ne tombe pas dans un ravin et personne ne décède dans d'atroces souffrances. Les gnomes survivent, donc c'est un petit peu malheureux, mais bon, c'est ça la vie. Hein. Là, c'est possédé par la crève que je vais essayer de vous lire mon beau petit texte que j'ai écrit. Et qui, en fait, va essayer de peut-être faire sortir tout le mauvais qu'il y a en moi. Je l'ai appelé veston-cravate, donc. Et voilà, ça suit. Moi, j'adore le hockey. J'adore ça pour plein de raisons qui ne seront pas énumérées ici. J'aime le hockey, mais j'aborde, déteste, exècre et méprise la mousse qu'il y a autour. Cette mousse est usuellement constituée d'annonces de pick-up, d'annonces de bière, d'annonces de matériel audio et d'annonces de bouffe grasse. Elle est aussi pleine de phrases du genre « Cette mise au jeu est une présentation Tim Hortons » ou « Ce jeu de puissance est une gracieuseté tampon affolé ». Finalement, cette mousse est surtout constituée de vestons-cravates. Et ce sont eux qui m'ont poussé à cette montée de lait. C'est pareil. C'est pareil. Les interventions de cette armée de champions de la fadeur, de Shaolin de l'évidence et de ninja du « on le sait, on vient de le voir » n'ont jamais évolué. Que l'on se rapporte aux premières versions des vestons-cravates de jadis, que l'on écoute les vestons-cravates d'il y a 25, 30 ans, 15, 7, 12 ou 8 ans ou 1 an, c'est pareil. Depuis les tout débuts du hockey télévisé, les vestons-cravates mettent en leurs mots ce que la télévision nous montre. Exactement comme si on écoutait la game à la radio, sauf qu'on voit. Décrire que le gars touche à la rondelle, quand le gars touche à la rondelle, annoncer qu'un dégagement sera refusé alors qu'on voit le juge de ligne le bras dans les airs et que la puck est dompée dans l'autre zone, on jurerait que ça se passe à la radio, sauf que l'on voit. Cette redondance est cependant cachée derrière un bouclier invincible, les vestons-cravates. Parce que cette bande de clowns qui s'y connaissent autant que quiconque, ou du moins dont l'opinion n'est pas plus sûre de se vérifier que celle de n'importe qui, est déguisée en gens sérieuses. Oui, des vestons-cravates. Une arme simple mais efficace qui ne sert qu'à cacher... Et voilà, il fallait s'y en attendre. Une arme simple mais efficace qui ne sert qu'à cacher la vacuité de tous leurs propos derrière un masque qui doit bien valoir mon loyer mensuel. J'ai ici quelques phrases entendues dernièrement qui ont été prononcées par ces illustres experts de notre beau sport préféré ici. Encore du méchant qui sort. Donc, quand on ne compétitionne pas, il n'y a pas d'exécution. Ça a été mentionné par Yvon Penneau. Quand on ne compétitionne pas, il n'y a pas d'exécution. J'ai entendu aussi, dans la région, loger pour capter la rondelle. Ça, c'était une phrase. Il n'y avait rien avant, il n'y avait rien après. C'est grâce au fait que Dandono a touché à la rondelle que le Canadien est resté en possession du disque. C'est comme, je sais pas, ça sert à rien. En ce premier match de la LNH en sol américain à l'extérieur, les facteurs à surveiller, le froid, la neige et la magie du temps des fêtes. Je suis vraiment, vraiment, vraiment tanné des vestons-cravates. Et puis, en fait, ce qui fait que ça déborde ces temps-ci, c'est que les deux mêmes tartes s'occupent de tous les 82 matchs de mon équipe. Avant, on changeait de veston-cravate dépendamment du canal auquel on écoutait le match. Maintenant, tous les matchs sont animés par les mêmes coups de vent. Moi, j'écoute maintenant mes matchs sur mute et je mets de la musique. Bon. Plus capable des vestons-cravates pédants qui parlent de vide, avec des sous qui valent mon loyer pour magnifier leur opinion diluée aux annonces de Ford. Et puis oui, j'en ai des solutions de remplacement, mais il y a personne qui va jamais vouloir les passer, fait qu'on va laisser faire ça. Hey, ça va Israël? Hein? Israël qui était ailleurs, mesdames et messieurs. Pour l'instant, on va retourner à Réalvé parce que... J'ai une question pour Zombie. Ben vas-y. Est-ce que la grippe de Zombie est forte cette année? Oui, monsieur. Yes, en tout cas, moi, je l'ai pogné, on dirait. On va se retourner dans Réal V. Benoît. C'est le dernier bloc de tous les blocs qu'on a avec. On va finir l'heure et demie d'entrevue avec le sympathique monsieur. Écoutez ça. On a affiché le mur en plus. Faut-tu payer? Ben, si t'es dans le milieu, tu sais comment ça marche. On vient de parler de l'industrie. C'est pas toujours une question de talent. C'est ça qu'on veut dire. Ouais, boy, c'est une question de contact souvent. Hein? On a parlé du passé de monsieur V. Benoît. On a parlé du passé commun de monsieur Knight et de monsieur Benoît. On a parlé de l'industrie de la musique, on a parlé de l'industrie minière, on a parlé de Romain Noranda, on a parlé d'un paquet d'affaires. Hein, ça va c'était bien, très agréable, j'ai fait un retour dans ma vie passée, j'ai trouvé ça le fun. Ben, tant mieux, hein, on est là pour ça à 70%. Mais en tant que personne qui avait grandi à Rouen et tout, là, est-ce qu'on a déjà vu l'océan? Moi? Ouais. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est oui, quoi la première impression que tu as eue quand tu as vu l'océan pour la première fois? Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je veux dire, la première fois que je suis allé dans le sud, une fois d'ailleurs. On était ensemble? Puis ils étaient ensemble. Vous avez vu l'océan pour la première fois, les deux ensemble? On était à Gaspésie, c'est l'océan, ça, n'est-ce pas? Oui, oui, oui, oui. On était ensemble, exact, un fait. Donc, j'ai vu, oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça magnifique. J'avais un petit peu peur parce que je suis pas un gars de bateau, je suis pas un pêcheur. Puis l'Abitibi, l'océan, je trouvais qu'il y avait des grosses vagues pour la grosseur des bateaux. J'étais pas la personne voulait nous emmener faire un tour, puis je voulais pas y aller. Puis j'ai vécu aussi, il y a une mine aux îles de la Madeleine qui est une mine de sel. Puis quand la mine de sel elle a ouvert aux îles de la Madeleine, moi j'étais là, le puits numéro 2. Oh, il a vu les îles de la Madeleine. On a foré, on a foré le puits numéro 2, puis on a fait l'installation du puits numéro 2. Moi j'ai passé quelque chose comme 6 mois aux îles de la Madeleine, puis j'étais là aussi sur le bord de la mer, puis j'avais la même impression avec les bateaux. Je les trouvais trop petits pour la quantité d'eau qu'il y avait. J'étais pas bien porté à aller faire un tour. Ça veut dire que jamais vous avez considéré quitter Rouyn-Noranda. C'est la patrie de Réal V. Benoît. Mais moi j'aime Rouyn-Noranda. Moi, je l'ai dit à M. Guérin qui faisait le film et il m'a demandé pourquoi je voulais rester à Rouyn-Noranda. À Rouyn-Noranda, là, à chaque coin de rue, à chaque lumière, à chaque... Il y a un petit morceau de ma vie. La première fille que j'ai rencontrée, je passe devant sa maison encore, tu sais, l'endroit où je l'ai embrassé la première fois, mon école, mon église, la maison de mes parents, la maison de ses parents à lui, je veux dire, le terrain de balle où on allait jouer, l'université que je t'ai parlé tantôt, que j'ai vu grossir. Oui, oui, oui. Partout à Rouyn, c'est pas tellement grand, là, il y a 45 000 de population, je pense, mais partout à Rouyn, j'ai un petit bout de la vie de Réal Benoît, donc je me sens bien, je me sens chez moi, Puis je suis pas quelqu'un qui déteste absolument l'hiver, je trouve que c'est le fun avec qu'on ait les quatre saisons, puis que c'est beau l'hiver chez nous, c'est tout blanc, c'est tout... Ouais, ça fait contraire de Montréal pas mal. C'est vraiment beau, je veux dire, on va prendre une marche quand il y a une bonne tempête de neige, puis l'autre jour, je dis à lui, je suis allé prendre une grande marche dans la tempête. Il dit, Colin, Réal, c'est le fun, je viens juste d'arriver moi aussi. On était sortis tous les deux. On n'était pas ensemble, mais on avait été prendre une belle grande marche dans la tempête de neige. Moi, Rouyn-Noranda, c'est ma ville préférée. Là, je vais sûrement retourner faire un tour, passer une fin d'existence là-bas. Sinon, on va peut-être pouvoir se rencontrer dans un bar, aller boire une broue, une vraie de vraie. Moi, dans une taverne, Tommy, dans une taverne. La taverne du mineur, elle existe encore sur la rue principale. J'ai fait 2-3 vite fait, mais j'avais pas mal fait le tour. Je veux juste savoir, tu t'es déjà fait traiter de hippie quand tu commençais à jouer de la musique? Non. Même pas? Mais j'ai déjà fait lancer de l'argent, par exemple. Ben oui, je me faisais lancer de l'argent quand je chantais la chanson Crise de pauvre. Il y a du monde qui comprennent pas tout le temps les messages dans les chansons. Puis je me suis fait je chantais Crise de pauvre, puis je me suis fait tirer de l'argent. J'ai pas assez peur de me faire battre, ajoute-t-elle, quand je chantais les baveux. Puis quand je présentais les baveux, tu sais, il y avait des directeurs, puis il y avait des gens dans la salle. Il y a un gars, un coup, il dit, t'as pas assez proche. En sac à la main dans mon vie tout de suite. Mais tu sais, le gars, il se sentait visé par les baveux, lui, c'est pas de ma faute. Moi, je le connais pas du tout. Moi, j'en avais un baveux dans ma vie, puis j'y ai dit. Puis la chanson est basée sur des frais véridiques. Mais lui, ajoutait, je le connaissais pas. Moi, je travaillais pas là. J'étais juste de passage faire un récital. La vérité choque. Moi, tout, là, je suis correct. Ça veut dire qu'on est rendu au moment où on fait des tables de quilles, tout le monde ensemble. Ça a été un super plaisir. Merci beaucoup, les gars. Puis Claude Hermite. Un indicatif. Ah oui, ça va prendre ça, hein? Réal V. Benoît. J'écoute jamais 70%, mais je vais commencer. Ah, ben non, je suis déjà à la fin de la d'autres choses, puis il va finir par faire un indicatif qu'on va utiliser dans le futur. Merci encore à M. Réal V. Benoît. Pour l'instant, on va retourner écouter David Bradley, son demi-lune, qui vivent les mêmes aventures que d'habitude. Là, on va apprendre à quel point c'est personnel pour les deux. Attends. Je me souviens de tout. Oh non! Ouais, je te jure. Non! Joe, j'étais là quand ce type a tué mon père. Je suis un lâche. Non, non, c'est faux. Finalement, c'est son père qui tue son père. Tu fais partie du clan des Todai Ninja. Tu es plus fort et plus courageux que n'importe qui. Et voilà. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Enseigne-moi le ninjutsu. Le ninjutsu? Ça, non. Ah non, pas le ninjutsu. Tu sais? Je dois acquitter. Je sais pour ton petit frère. Ah oui? Tetsu m'a dit qu'il avait été tué dans un combat. À la fin d'American Ninja 3. Mais c'était pas ta faute. Je me rappelle pas ça. Je pense que c'est la seule fois qu'on le voit. J'étais son sensei. Peut-être que... Je suis le seul coupable. Non, je sais jamais expliquer dans les sens. Non, mais t'aurais pas pu l'empêcher. Tout comme tu pourras pas m'empêcher. Il faut que je regagne l'honneur de mon père. N'importe quoi. Et pour ça, j'ai besoin que tu m'aides. Joe, on a besoin l'un de l'autre. Pour de bon. Et voilà, c'est personnel, bien sûr. Pour de bon. Et voilà, il devient un team invincible. Ben, merci beaucoup, Zombie, d'être venu nous rejoindre. Zombie qui a l'air de faire son hygiène buccale. Tu as toute la puissance. Et puis, ben, Israël, merci. On a encore fait une bonne affaire. Hein. Je vais essayer de guérir ma tousse d'ici la semaine prochaine. Ah, c'était bien parfait. On a amené des points importants qu'il fallait laver. Oui, oui, je pense que oui. Puis, on a parlé aussi de la sauce ranch. Ouais. Et puis, toi, t'es en show. Hein. Peut-être tu pourras en parler un petit peu. Là. Bonne journée. Ouais, tournée, bonne tout. Journée en tournée. On fait deux fins de semaine. De fil, c'est genre Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Magog, Saint-Hyacinthe. Fait que si vous êtes dans ces villes-là, manquez pas ça. Ça va être sûrement assez drôle. Bon, voilà. Puis il va y avoir aussi les Connards à l'Orange en première partie. Ouais, ça, bon, on va s'échanger selon les dates. Puis ça s'appelle la tournée de l'ours. Fait que vous allez pouvoir entendre des histoires de vrais ours que Marc puis Vinci ont vu. Oh. Puis moi puis Bu, on raconte des jokes d'ours. Oh. Pas vrai, mais qu'on a inventé. Bon, ben c'est bon, ça. Ouais. Ben merci beaucoup, tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine à 70% pour d'autres aventures. Ouais. Et voilà, Zombie. Pour l'instant, ça va aux roquettes. Savourez l'excellent American Ninja 5. Qui a l'air très pas bon. C'est assez fort. Et voilà. Merci tout le monde. Oui. Aïe, aïe, c'est chaud. Dernière chanson de notre héros, Monsieur Réal V. Benoît, et puis ben voilà, à bientôt. Depuis 3 ans, je suis marié avec une femme qui, pour un oui ou pour un non, cherche la chicane. Elle dit que je la laisse seule et n'a aucune raison. Jamais je pars sans laisser les enfants à la maison. Les femmes des mariages, c'est à déconseiller. C'est pas durable avec ces mariés. Tu veux plus rien faire de liberté. Les femmes des mariages, c'est à déconseiller. Tous les soirs de la semaine, je sors avec des chums. Elle, elle aime pas ça, pourtant on est juste des hommes. Elle crie si je rentre un peu tard les soirs sur semaine. Et en plus de ça, le samedi soir, il faut qu'elle vienne. Les femmes des mariages, c'est à déconseiller. C'est pas assurable avec ces mariés. Tu veux plus rien faire, t'as plus de liberté. Les femmes des mariages, c'est à déconseiller. Croiriez-vous que je peux pas mettre mes pieds à TV? Si je peux même suivre partout avec un cendrier. Si je crache à terre, la gueule qu'à laver c'est blanché. Si j'arrive sous, jamais elle va s'occuper de moi. Les femmes des mariages, c'est à déconseiller. C'est pas durable avec ses mariés. Tu peux plus rien faire, t'as plus de liberté. Les femmes des mariages, c'est à déconseiller. Chaque jour de paye, j'y donne une pièce pour dépenser. Après, c'est bien rare qu'il va y en rester. Si je vous disais que ça y prend une robe par année et que presque à tous les deux ans, une paire de souliers. Les femmes des mariages, c'est à déconseiller. C'est pas durable avec ces mariés. Tu peux plus rien faire, t'as plus de liberté. Les femmes des mariages, c'est à déconseiller. Lundi 21 janvier, vous écoutez l'épisode 26 de Dans ta bulle, une émission BD sur les ondes de Choc FM.